curiosité.net de Voltaire, le philosophe ignorant. Lu par Alain Bernard. Concerto de la Madone des Fleurs de Tommaso Albinoni. Licence mise open. Première question. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Que deviendras-tu? C'est une question qu'on doit faire à tous les êtres de l'univers, mais à laquelle nul ne nous répond. Je demande aux plantes quelles vertus les fait croître et comment le même terrain produit des fruits si divers. Ces êtres insensibles et muets, quoique enrichis d'une faculté divine, me laissent à mon ignorance et à mes vaines conjectures. J'interroge cette foule d'animaux différents qui tous ont le mouvement et le communiquent, qui jouissent des mêmes sensations que moi, qui ont une mesure d'idées et de mémoire avec toutes les passions. Ils savent encore moins que moi ce qu'ils sont, pourquoi ils sont et ce qu'ils deviennent. Je soupçonne, j'ai même lieu de croire, que les planètes qui roulent autour des soleils innombrables qui remplissent l'espace sont peuplées d'êtres sensibles et pensants. Mais une barrière éternelle nous sépare et aucun de ces habitants des autres globes ne s'est communiqué à nous. Monsieur le prieur, dans le spectacle de la nature, a dit à monsieur le chevalier que les astres étaient faits pour la terre et la terre ainsi que les animaux pour l'homme. Mais comme le petit globe de la Terre roule avec les autres planètes autour du Soleil, comme les mouvements réguliers et proportionnels des astres peuvent éternellement subsister sans qu'il y ait des hommes, comme il y a sur notre petite planète infiniment plus d'animaux que de mes semblables, je pensais que monsieur le prieur avait un peu trop d'amour-propre en se flattant que tout avait été fait pour lui. J'ai vu que l'homme, pendant sa vie, est dévoré par tous les animaux s'il est sans défense, et que tous le dévore encore après sa mort. Ainsi, j'ai eu de la peine à concevoir que monsieur le prieur et monsieur le chevalier fussent les rois de la nature. Esclaves de tout ce qui m'environne, au lieu d'être roi, resserré dans un point et entouré de l'immensité, je commence par me chercher moi-même. Deuxièmement, notre faiblesse. Je suis un faible animal. Je n'ai en naissant ni force, ni connaissance, ni instinct. Je ne peux même me traîner à la mamelle de ma mère, comme font tous les quadrupèdes. Je n'acquiers quelques idées que comme j'acquiers un peu de force, quand mes organes commencent à se développer. Cette force augmente en moi jusqu'au temps où, ne pouvant plus s'accroître, elle diminue chaque jour. Ce pouvoir de concevoir des idées s'augmente de même jusqu'à son terme, et ensuite s'évanouit insensiblement par degrés. Quelle est cette mécanique qui accroît de moment en moment les forces de mes membres jusqu'à la borne prescrite? Je l'ignore, et ceux qui ont passé leur vie à chercher cette cause n'en savent plus que moi. Quel est cet autre pouvoir qui fait entrer des images dans mon cerveau, qui les conserve dans ma mémoire? Ceux qui sont payés pour le savoir l'ont inutilement cherché. Nous sommes tous dans la même ignorance, des premiers principes où nous étions dans notre berceau. Troisièmement, comment puis-je penser? Les livres faits depuis 2000 ans m'ont-ils appris quelque chose? Il nous vient quelquefois des envies de savoir comme nous pensons, comment nous pensons, quoiqu'ils nous prennent rarement l'envie de savoir comment nous digérons, comment nous marchons. J'ai interrogé ma raison. Je lui ai demandé ce qu'elle est. Cette question l'a toujours confondue. J'ai essayé de découvrir par elle si les mêmes ressorts qui me font digérer, qui me font marcher, sont ceux par lesquels j'ai des idées. Je n'ai jamais pu concevoir comment et pourquoi ces idées s'enfuyaient quand la faim faisait languir mon corps et comment elles renaissaient quand j'avais mangé. J'ai vu une si grande différence entre des pensées et la nourriture, sans laquelle je ne penserais point, que j'ai cru qu'il y avait en moi une substance qui raisonnait et une autre substance qui digérait. Cependant, en cherchant toujours à me prouver que nous sommes deux, j'ai senti grossièrement que je suis un seul, et cette contradiction m'a toujours fait une extrême peine. J'ai demandé à quelques-uns de mes semblables qui cultivent la terre, notre mère commune, avec beaucoup d'industrie, s'ils sentaient qu'ils étaient deux, s'ils avaient découvert par leur philosophie qu'ils possédaient en eux une substance immortelle et cependant formées de rien, existantes sans étendue, agissant sur leurs nerfs sans y toucher, envoyées expressément dans le ventre de leur mère 6 semaines après leur conception. Ils ont cru que je voulais rire, et ont continué à labourer leur champ sans me répondre. Quatrièmement, m'est-il nécessaire de savoir? Voyant donc qu'un nombre prodigieux d'hommes n'avait pas seulement la moindre idée des difficultés qui m'inquiètent, et ne se doutait pas de ce qu'on dit dans les écoles, de l'être en général, de la matière, de l'esprit, etc. Voyant même qu'ils se moquaient souvent de ce que je voulais le savoir, j'ai soupçonné qu'il n'était point du tout nécessaire que nous le sussions. J'ai pensé que la nature a donné à chaque être la portion qui lui convient, et j'ai cru que les choses auxquelles nous ne pouvions atteindre ne sont pas notre partage. Mais malgré ce désespoir, je ne laisse pas de désirer d'être instruit, et ma curiosité trompée est toujours insatiable. Cinquièmement, Aristote, Descartes et Gassendi. Aristote commence par dire que l'incrédulité est la source de la sagesse. Descartes a délayé cette pensée, et tous deux m'ont appris à ne rien croire de ce qu'ils me disent. Ce Descartes surtout, après avoir fait semblant de douter, parle d'un ton si affirmatif de ce qu'il n'entend point. Il est si sûr de son fait quand il se trompe grossièrement en physique. Il a bâti un monde si imaginaire. Ses tourbillons et ses 3 éléments sont d'un si prodigieux ridicule que je dois me méfier de tout ce qu'il me dit sur l'âme, après qu'il m'a tant trompé sur les corps. Qu'on fasse son éloge, à la bonne heure, pourvu qu'on ne fasse pas celui de ses romans philosophiques, méprisés aujourd'hui, pour jamais, dans toute l'Europe. Il croit, ou il feint de croire, que nous naissons avec des pensées métaphysiques. J'aimerais autant dire qu'Homère naquit avec l'Iliade dans la tête. Il est bien vrai qu'Homère, en naissant, avait un cerveau tellement construit qu'il entend ensuite acquis des idées poétiques, tantôt belles, tantôt incohérentes, tantôt exagérées. Il en composa enfin l'Iliade. Nous apportons, en naissant, le germe de tout ce qui se développe en nous, mais nous n'avons pas réellement plus d'idées innées que Raphaël et Michel-Ange n'apportèrent, en naissant, de pinceaux et de couleurs. Descartes, pour tâcher d'accorder les parties éparses de ces chimères, supposa que l'homme pense toujours. J'aimerais autant imaginer que les oiseaux ne cessent jamais de voler, ni les chiens de courir, parce que ceux-ci ont la faculté de courir, et ceux-là de voler. Pour peu que l'on consulte son expérience et celle du genre humain, on est bien convaincu du contraire. Il n'y a personne d'assez fou pour croire fermement qu'il ait pensé toute sa vie, le jour et la nuit, sans interruption, depuis qu'il était fœtus jusqu'à sa dernière maladie. La ressource de ceux qui ont voulu défendre ce roman a été de dire qu'on pensait toujours, mais qu'on ne s'en apercevait pas. Il vaudrait autant dire qu'on boit, qu'on mange et qu'on court à cheval sans le savoir. Si vous ne vous apercevez pas que vous avez des idées, comment pouvez-vous affirmer que vous en avez ? Gassendi se moqua, comme il le devait, de ce système extravagant. Savez-vous ce qui en arriva ? On prit Gassendi et Descartes pour des athées, parce qu'ils raisonnaient. Sixième partie. Les bêtes. De ce que les hommes étaient supposés avoir continuellement des idées, des perceptions, des conceptions, il suivait naturellement que les bêtes en avaient toujours aussi. Car il est incontestable qu'un chien de chasse a l'idée de son maître auquel il obéit et du gibier qu'il lui rapporte. Il est évident qu'il a de la mémoire et qu'il combine quelques idées. Ainsi donc, si la pensée de l'homme était aussi l'essence de son âme, la pensée du chien était aussi l'essence de la sienne. Et si l'homme avait toujours des idées, il fallait bien que les animaux en eussent toujours. Pour trancher cette difficulté, le fabricateur de tourbillons et de la matière cannelée osa dire que les bêtes étaient de pures machines qui cherchaient à manger sans avoir appétit, qui avaient toujours les organes du sentiment pour n'éprouver jamais la moindre sensation, qui criaient sans douleur, qui témoignaient leur plaisir sans joie, qui possédaient un cerveau pour n'y pas recevoir l'idée la plus légère, et qui étaient ainsi une contradiction perpétuelle de la nature. Ce système était aussi ridicule que l'autre, mais au lieu d'en faire voir l'extravagance, on le traita d'impie. On prétendit que ce système répugnait à l'écriture sainte, qui dit dans la Genèse « que Dieu a fait un pacte avec les animaux et qu'il leur demandera le sang des hommes qu'ils auront mordu et mangé. Ce qui suppose manifestement, dans les bêtes, l'intelligence, la connaissance du bien et du mal. Sixième partie, l'expérience. Ne mêlons jamais l'écriture sainte dans nos disputes philosophiques. Ce sont des choses trop hétérogènes et qui n'ont aucun rapport. Il ne s'agit ici que d'examiner ce que nous pouvons savoir par nous-mêmes et cela se réduit à bien peu de choses. Il faut avoir renoncé au sens commun pour ne pas convenir que nous ne savons rien au monde que par l'expérience. Et certainement, si nous ne parvenons que par l'expérience et par une suite de tâtonnements et de longues réflexions à nous donner quelques idées faibles et légères du corps, de l'espace, du temps, de l'infini, de Dieu même, ce n'est pas la peine que l'auteur de la nature mette ses idées dans la cervelle de tous les fœtus, afin qu'il n'y ait ensuite qu'un très petit nombre d'hommes qui en fassent usage. Nous sommes tous, sur les objets de notre science, comme les amants ignorants, Daphnis et Chloé, dont Longus nous a dépeint les amours et les vaines tentatives. Il leur fallut beaucoup de temps pour deviner comment ils pouvaient satisfaire leurs désirs, parce que l'expérience leur manquait. La même chose arriva à l'empereur Léopold et au fils de Louis XIV. Il fallut les instruire. S'ils avaient eu des idées innées, il est à croire que la nature ne leur eût pas refusé la principale et la seule nécessaire à la conservation de l'espèce humaine. Huitième partie. Substance. Ne pouvant avoir aucune notion que par expérience, il est impossible que nous puissions jamais savoir ce que c'est que la matière. Nous touchons, nous voyons les propriétés de cette substance, mais ce mot même substance, ce qui est dessous, nous avertit assez que ce dessous nous sera inconnu à jamais. Quelque chose que nous découvrions de ses apparences, il restera toujours ce dessous à découvrir. Par la même raison, nous ne saurons jamais par nous-mêmes ce que c'est que l'esprit. C'est un mot qui originairement signifie « souffle » et dont nous nous sommes servis pour tâcher d'exprimer vaguement et grossièrement ce qui nous donne des pensées. Mais quand même, par un prodige qui n'est pas à supposer, nous aurions quelques légères idées de la substance de cet esprit. Nous ne serions pas plus avancés. Nous ne pourrions jamais deviner comment cette substance reçoit des sentiments et des pensées. Nous savons bien que nous avons un peu d'intelligence, mais comment l'avons-nous? C'est le secret de la nature. Elle ne l'a dit à nul mortel. Neuvième partie. Bornes étroites. Notre intelligence est très bornée, ainsi que la force de notre corps. Il y a des hommes beaucoup plus robustes que les autres. Il y a aussi des Hercules, en fait de pensée. Mais au fond, cette supériorité est fort peu de choses. L'un soulèvera 10 fois plus de matière que moi, l'autre pourra faire de tête et sans papier une division de 15 chiffres, tandis que je ne pourrai en diviser que 3 ou 4 avec une extrême peine. C'est à quoi se réduira cette force tant vantée. Mais elle trouvera bien vite sa borne. Et c'est pourquoi, dans les jeux de combinaison, nul homme, après s'y être formé par toute son application et par un long usage, ne parvient jamais, quelque effort qu'il fasse, au-delà du degré qu'il a pu atteindre. Il a frappé à la borne de son intelligence. Il faut même, absolument, que cela soit ainsi, sans quoi nous irions de degré en degré jusqu'à l'infini. Dixièmement, découverte impossible. Dans ce cercle étroit où nous sommes renfermés, voyons donc ce que nous sommes condamnés à ignorer et ce que nous pouvons un peu connaître. Nous avons déjà vu qu'aucun premier ressort, aucun premier principe ne peut être saisi par nous. Pourquoi mon bras obéit-il à ma volonté? Nous sommes si accoutumés à ce phénomène incompréhensible que très peu y font attention. Et quand nous voulons rechercher la cause d'un effet si commun, nous trouvons qu'il y a réellement l'infini entre notre volonté et l'obéissance de notre membre, c'est-à-dire qu'il n'y a nulle proportion de l'une à l'autre, nulle raison, nulle apparence de cause. Et nous sentons que nous y penserions une éternité, sans pouvoir imaginer la moindre lueur de vraisemblance. Onzième partie. Désespoir fondé. Ainsi arrêté, dès le premier pas, et nous replions vainement sur nous-mêmes. Nous sommes effrayés de nous chercher toujours et de nous trouver jamais. Nul de nos sens n'est explicable. Nous savons bien à peu près, avec le secours des triangles, qu'il y a environ 30 millions de nos grandes lieues géométriques, de la Terre au Soleil. Mais qu'est-ce que le Soleil? Et pourquoi tourne-t-il sur son axe? Et pourquoi en un sens qu'en un autre? Et pourquoi Saturne et nous tournons, nous, autour de cet astre plutôt d'Occident en Orient que d'Orient en Occident? Non seulement nous ne satisferons jamais à cette question, mais nous n'entreverrons jamais la moindre possibilité d'en imaginer seulement une cause physique. Pourquoi? C'est que le nœud de cette difficulté est dans le premier principe des choses. Il en est de ce qui agit au-dedans de nous, comme de ce qui agit dans les espaces immenses de la nature. Il y a, dans l'arrangement des astres et dans la conformation d'un ciron et de l'homme, un premier principe dont l'accès doit nécessairement nous être interdit. Car si nous pouvions connaître notre premier ressort, nous en serions les maîtres, nous serions des dieux. Éclaircissons cette idée et voyons si elle est vraie. Supposons que nous trouvions en effet la cause de nos sensations, de nos pensées, de nos mouvements, comme nous avons seulement découvert dans les astres la raison des éclipses et des différentes phases de la Lune et de Vénus. Il est clair que nous prédirions alors nos sensations, nos pensées et nos désirs résultant de ces sensations, comme nous prédisons les phases et les éclipses. Connaissant donc ce qui devrait se passer demain, dans notre intérieur, nous verrions clairement, par le jeu de cette machine, de quelque manière, ou agréable ou funeste, nous devrions être affectés. Nous avons une volonté qui dirige, ainsi qu'on en convient, nos mouvements intérieurs en plusieurs circonstances. Par exemple, je me sens disposé à la colère. Ma réflexion et ma volonté en répriment les accès naissants. Je verrai, si je connaissais mes premiers principes, toutes les affections auxquelles je suis disposé pour demain, toute la suite des idées qui m'attendent. Je pourrais avoir sur cette suite d'idées et de sentiments la même puissance que j'exerce quelquefois sur les sentiments et sur les pensées actuelles que je détourne et que je réprime. Je me trouverai précisément dans le cas de tout homme qui peut retarder et accélérer à son gré le mouvement d'une horloge, celui d'un vaisseau, celui de toute machine connue. Dans cette supposition, étant le maître des idées qui me sont destinées demain, je le serai pour le jour suivant, je le serai pour le reste de ma vie. Je pourrai donc être toujours tout-puissant sur moi-même, je serai le Dieu de moi-même. Je sens assez que cet état est incompatible avec ma nature. Il est donc impossible que je puisse rien connaître du premier principe qui me fait penser et agir. 12e partie. Faiblesse des hommes. Ce qui est impossible à ma nature, si faible, si bornée, et qui est d'une durée si courte, est-il impossible dans d'autres globes, dans d'autres espèces d'êtres? Y a-t-il des intelligences supérieures, maîtresses de toutes leurs idées, qui pensent et qui sentent tout ce qu'elles veulent? Je n'en sais rien, je ne connais que ma faiblesse. Je n'ai aucune notion de la force des autres. 13e partie. Suis-je libre? Ne sortons point encore du cercle de notre existence. Continuons à nous examiner nous-mêmes autant que nous le pouvons. Je me souviens qu'un jour, avant que j'eusse fait toutes les questions précédentes, un raisonneur voulut me faire raisonner. Il me demanda si j'étais libre. Je lui répondis que je n'étais point en prison, que j'avais la clé de ma chambre, que j'étais parfaitement libre. « Ce n'est pas ce que je vous demande, » me répondit-il. « Croyez-vous que votre volonté et la liberté de vouloir ou de ne vouloir pas vous jeter par la fenêtre? Pensez-vous, avec l'ange de l'école, que le libre arbitre soit une puissance appétitive et que le libre arbitre se perde par le péché ?» Je regardais mon homme fixement pour tâcher de lire dans ses yeux s'il n'avait pas l'esprit égaré. Et je lui répondis que je n'entendais rien à son galimatien. Cependant, cette question sur la liberté de l'homme m'intéressa vivement. Je lus des scolastiques. Je fus comme eux dans les ténèbres. Je lus Locke. Et j'aperçus des traits de lumière. Je lus le traité de Collins, qui me parut Locke perfectionné. et je n'ai jamais rien lu depuis qui m'ait donné un nouveau degré de connaissance. Voici ce que ma faible raison a conçu. Aidés de ces deux grands hommes, les seuls, à mon avis, qui se soient entendus eux-mêmes en écrivant sur cette matière, et les seuls qui se soient fait entendre aux autres. Il n'y a rien sans cause. Un effet sans cause n'est qu'une parole absurde. Toutes les fois que je veux, ce ne peut être qu'en vertu de mon jugement, bon ou mauvais. Ce jugement est nécessaire, donc ma volonté l'est aussi. En effet, il serait bien singulier que toute la nature, tous les astres, obéissent à des lois éternelles et qu'il y eût un petit animal haut de 5 pieds qui, au mépris de ces lois, pût agir toujours comme il lui plairait, au seul gré de son caprice. Il agirait au hasard, et on sait que le hasard n'est rien. Nous avons inventé ce mot pour exprimer l'effet connu de toute cause inconnue. Mes idées entrent nécessairement dans mon cerveau. Comment ma volonté, qui en dépend, serait-elle à la fois nécessité et absolument libre? Je sens en mille occasions que cette volonté ne peut rien. Ainsi, quand la maladie m'accable, quand la passion me transporte, quand mon jugement ne peut atteindre aux objets qu'on me présente, etc., je dois donc penser que les lois de la nature étant toujours les mêmes, ma volonté n'est pas plus libre dans les choses qui me paraissent les plus indifférentes que dans celles où je me sens soumis à une force invincible. Être véritablement libre, c'est pouvoir. Quand je peux faire ce que je veux, voilà ma liberté. Mais je veux nécessairement ce que je veux. Autrement, je voudrais sans raison, sans cause, ce qui est impossible. Ma liberté consiste à marcher quand je veux marcher et que je n'ai point la goutte. Ma liberté consiste à ne point faire une mauvaise action quand mon esprit cela représente nécessairement mauvaise, à subjuguer une passion. Quand mon esprit m'en fait sentir le danger et que l'horreur de cette action combat puissamment mon désir. Nous pouvons réprimer nos passions, comme je l'ai déjà annoncé au chapitre 11. Mais alors, nous ne sommes pas plus libres en réprimant nos désirs qu'en nous laissant entraîner à nos penchants, car, dans l'un et dans l'autre cas, nous suivons irrésistiblement notre dernière idée, et cette dernière idée est nécessaire. Donc, je fais nécessairement ce qu'elle me dicte. Il est étrange que les hommes ne soient pas contents de cette mesure de liberté, c'est-à-dire du pouvoir qu'ils ont reçu de la nature de faire en plusieurs cas ce qu'ils veulent. Les astres ne l'ont pas, nous la possédons, et notre orgueil nous fait croire quelquefois que nous en possédons encore plus. Nous nous figurons que nous avons le don incompréhensible et absurde de vouloir, sans autre raison, sans autre motif que celui de vouloir. Non, je ne puis pardonner au docteur Clark d'avoir combattu avec mauvaise foi ces vérités dont il sentait la force et qui semblaient s'accommoder mal avec ses systèmes. Non, il n'est pas permis à un philosophe tel que lui d'avoir attaqué Collins en sophiste et d'avoir détourné l'état de la question en reprochant à Collins d'appeler l'homme un agent nécessaire. Agent ou patient, qu'importe. Agent quand il se meut volontairement, patient quand il reçoit des idées. Qu'est-ce que le nom fait à la chose ? L'homme est en tout un être dépendant, comme la nature entière est dépendante, et il ne peut être excepté des autres êtres. Le prédicateur dans Samuel Clarke a étouffé le philosophe. Il distingue la nécessité physique et la nécessité morale. Et qu'est-ce qu'une nécessité morale ? Il vous paraît vraisemblable qu'une reine d'Angleterre qu'on couronne et que l'on sacre dans une église ne se débrouillera pas de ses habits royaux pour s'étendre toute nue sur l'autel ? Quoi qu'on raconte une pareille aventure d'une reine du Congo. Vous appelez ça une nécessité morale dans une reine de nos climats? Mais c'est au fond une nécessité physique, éternelle, liée à la constitution des choses. Il est aussi sûr que cette reine ne fera pas cette folie, et qu'il est sûr qu'elle mourra un jour. La nécessité morale n'est qu'un mot. Tout ce qui se fait est absolument nécessaire. Il n'y a point de milieu entre la nécessité et le hasard. Et vous savez qu'il n'y a point de hasard. Donc, tout ce qui arrive est nécessaire. Pour embarrasser la chose davantage, on a imaginé de distinguer encore entre nécessité et contrainte. Mais, au fond, la contrainte est-elle autre chose qu'une nécessité dont on s'aperçoit ? Et la nécessité, N'est-elle pas une contrainte dont on ne s'aperçoit point? Archimède est également nécessité à rester dans sa chambre quand on l'y enferme et quand il est si fortement occupé d'un problème qu'il ne reçoit pas l'idée de sortir. L'ignorant qui pense ainsi n'a pas toujours pensé de même, mais il est enfin contraint de se rendre. Chapitre 14. Tout est-il éternel? Asservi à des lois éternelles comme tous les globes qui remplissent l'espace, comme les éléments, les animaux, les plantes, je jette des regards étonnés sur tout ce qui m'environne. Je cherche quel est mon auteur et celui de cette machine immense dont je suis à peine une roue imperceptible. Je ne suis pas venu de rien, car la substance de mon père et de ma mère qui m'a porté 9 mois dans sa matrice est quelque chose. Il m'est évident que le germe qui m'a produit n'a pu être produit de rien, car comment le néant produirait-il l'existence? Je me sens subjugué par cette maxime de toute l'Antiquité. Rien ne vient du néant, rien ne peut retourner au néant. Cet axiome porte en lui une force si terrible qu'il enchaîne tout mon entendement sans que je puisse me débattre contre lui. Aucun philosophe ne s'en est écarté, aucun législateur, quel qu'il soit, ne l'a contesté. Le cahut des Phéniciens, le chaos des Grecs, le tohu-bohu des Chaldéens et des Hébreux, tout nous atteste qu'on a toujours cru l'éternité de la matière. Ma raison, trompée par cette idée si ancienne et si générale, me dit « Il faut bien que la matière soit éternelle puisqu'elle existe. Si elle était hier, elle était auparavant. Je n'aperçois aucune vraisemblance qu'elle ait commencé à être, aucune cause pour laquelle elle n'ait pas été, aucune cause pour laquelle elle ait reçu l'existence dans un temps plutôt que dans un autre. Je cède donc à cette conviction, soit fondée, soit erronée, et je me range du parti du monde entier, jusqu'à ce qu'ayant avancé dans mes recherches, je trouve une lumière supérieure au jugement de tous les hommes qui me force à me rétracter malgré moi. Mais si, comme tant de philosophes de l'Antiquité l'ont pensé, l'être éternel a toujours agi, que deviendront le cahut et les rêves des Phéniciens, le tohu-bohu des Chaldéens, le chaos des Iodes? Il restera dans les fables. Le chaos est impossible aux yeux de la raison, car il est impossible que, l'intelligence étant éternelle, il n'y ait jamais eu quelque chose d'opposé aux lois de l'intelligence. Or, le chaos est précisément l'opposé de toutes les lois de la nature. Entrez dans la caverne la plus horrible des Alpes, sous ces débris de rochers, de glace, de sable, d'eau, de cristaux, de minéraux informes. Tout y obéit à la gravitation et aux lois de l'hydrostatique. Le chaos n'a jamais été que dans nos têtes et n'a servi qu'à faire composer de beaux vers à Hésiode et à Ovide. Si notre sainte écriture a dit que le chaos existait, si le tohu-bohu a été adopté par elle, nous le croyons sans doute. Et avec la foi la plus vive. Nous ne parlons ici que suivant les lueurs trompeuses de notre raison. Nous nous sommes bornés, comme nous l'avons dit, à voir ce que nous pouvons soupçonner par nous-mêmes. Nous sommes des enfants qui essayons de faire quelques pas sans lisière, nous marchons, nous tombons, et la foi nous relève. Chapitre 15. Intelligence. Mais en apercevant l'ordre, l'artifice prodigieux, les lois mécaniques et géométriques qui règnent dans l'univers, les moyens, les fins innombrables de toutes choses, je suis saisi d'admiration et de respect. Je juge incontinent que si les ouvrages des hommes, les miens même, me forcent à reconnaître en nous une intelligence, je dois en reconnaître une bien supérieurement agissante dans la multitude de tant d'ouvrages. J'admets cette intelligence suprême, sans crainte que jamais on puisse me faire changer d'opinion. Rien n'ébranle en moi cet axiome. Tout ouvrage démontre un ouvrier. Chapitre 16. Éternité. Cette intelligence est-elle éternelle? Sans doute, car soit que j'ai admis ou rejeté l'éternité de la matière, je ne peux rejeter l'existence éternelle de son artisan suprême. Et il est évident que, s'il existe aujourd'hui, il a existé toujours. Chapitre 17. Incompréhensibilité. Je n'ai fait encore que 2 ou 3 pas dans cette vaste carrière. Je veux savoir si cette intelligence divine est quelque chose d'absolument distinct de l'univers, à peu près comme le sculpteur est distingué de la statue, ou si cette âme du monde est unie au monde et le pénètre, à peu près encore comme ce que j'appelle mon âme est unie à moi, et selon cette idée de l'Antiquité si bien exprimée dans Virgile. Je me vois arrêté tout à coup dans ma vaine curiosité. Misérable mortel, si je ne puis sonder ma propre intelligence, si je ne puis savoir ce qui m'anime, comment connaîtrais-je l'intelligence ineffable qui préside visiblement à la matière entière? Il y en a une, tout me le démontre. Mais où est la boussole qui me conduira vers sa demeure éternelle et ignorée? Chapitre 18. Infini. Cette intelligence est-elle infinie en puissance et en immensité, comme elle est incontestablement infinie en durée? Je n'en puis rien savoir par moi-même. Elle existe, donc elle a toujours existé. Cela est clair. Mais quelle idée puis-je avoir d'une puissance infinie? Comment puis-je concevoir un infini actuellement existant? Comment puis-je imaginer que l'intelligence suprême est dans le vide? Il n'en est pas de l'infini en étendue, comme de l'infini en durée. Une durée infinie s'est écoulée au moment où je parle, cela est sûr. Je ne peux rien ajouter à cette durée passée, mais je peux toujours ajouter à l'espace que je conçois, comme je peux ajouter au nombre que je conçois. L'infini en nombre et en étendue est hors de la sphère de mon entendement. Quelque chose qu'on me dise, rien ne m'éclaire dans cet abîme. Je sens heureusement que mes difficultés, mon ignorance, ne peuvent préjudicier à la morale. On aura beau ne pas concevoir ni l'immensité d'espace rempli, ni la puissance infinie qui a tout fait et qui cependant peut encore faire, cela ne servira qu'à prouver de plus en plus la faiblesse de notre entendement, et cette faiblesse ne nous rendra que plus soumis à l'être éternel dont nous sommes l'ouvrage. Chapitre 19. Ma dépendance. Nous sommes son ouvrage. Voilà une vérité intéressante pour nous. Car de savoir par la philosophie en quel temps il fit l'homme, ce qu'il faisait auparavant, s'il est dans la matière, s'il est dans le vide, s'il est dans un point, s'il agit toujours ou non, s'il agit partout, s'il agit hors de lui ou dans lui, ce sont des recherches qui redoublent en moi le sentiment de mon ignorance profonde. Je vois même qu'à peine il y a eu 12 d'hommes en Europe qui aient écrit sur ces choses abstraites avec un peu de méthode. Et quand je supposerai qu'ils ont parlé d'une manière intelligible, qu'en résultera-t-il? Nous avons déjà reconnu, à question 4, que les choses que si peu de personnes peuvent se flatter d'entendre sont inutiles au reste du genre humain. Nous sommes certainement l'ouvrage de Dieu. C'est là ce qu'il m'est utile de savoir. Aussi, la preuve en est-elle palpable? Tout est moyen et fin dans mon corps, tout est ressort, poulie, force mouvante, machine hydraulique, équilibre de liqueur, laboratoire de chimie. Il est donc arrangé par une intelligence. Voir la question 15. Ce n'est pas l'intelligence de mes parents à qui je dois cet arrangement, car assurément, ils ne savaient ce qu'ils faisaient quand ils m'ont mis au monde. Ils n'étaient que les aveugles instruments de cet éternel fabricateur qui anime le ver de terre et qui fait tourner le soleil sur son axe. Chapitre 20. Éternité encore. Né d'un germe venu d'un autre germe, y a-t-il eu une succession continuelle, un développement sans fin de ces germes, et toute la nature a-t-elle toujours existé par une suite nécessaire de cet être suprême qui existait de lui-même? Si je n'en croyais que mon faible entendement, je dirais, il me paraît que la nature a toujours été animée. Je ne puis concevoir que la cause qui agit continuellement et visiblement sur elle, pouvant agir dans tous les temps, n'ait pas agi toujours. Une éternité d'oisiveté dans l'être agissant est nécessaire, me semble incompatible. Je suis porté à croire que le monde est toujours émané de cette cause primitive et nécessaire, comme la lumière émane du soleil. Par quel enchaînement d'idées me vois-je toujours entraîné à croire éternel les œuvres de l'être éternel? Ma conception, toute pusillanime qu'elle est, a la force d'atteindre à l'être nécessaire existant par lui-même, et n'a pas la force de concevoir le néant. L'existence d'un seul atome me semble prouver l'éternité de l'existence, mais rien ne me prouve le néant. Quoi, il y aurait-tu le rien dans l'espace où est aujourd'hui quelque chose? Cela me paraît incompréhensible. Je ne puis admettre ce rien, à moins que la révélation ne vienne fixer mes idées, qui s'emportent au-delà des temps. Je sais bien qu'une succession infinie d'êtres qui n'auraient point d'origine est aussi absurde. Samuel Clarke le démontre assez, mais il n'entreprend pas seulement d'affirmer que Dieu n'ait pas tenu cette chaîne de toute éternité, et il n'ose pas dire qu'il ait été si longtemps impossible à l'être éternellement actif de déployer son action. Il est évident qu'il l'a pu, et s'il l'a pu, qui sera assez hardi pour me dire qu'il ne l'a pas fait? La révélation seule, encore une fois, peut m'apprendre le contraire. Mais nous n'en sommes pas encore à cette révélation, qui écrase toute philosophie, à cette lumière, devant qui toute lumière s'évanouit. Chapitre 21, ma dépendance encore. Cet être éternel, cette cause universelle me donne mes idées. Car ce ne sont pas les objets qui me les donnent. Une matière brute ne peut envoyer des pensées dans ma tête. Mes pensées ne viennent pas de moi, car elles arrivent malgré moi, et souvent s'enfuient d'eux-mêmes. On sait assez qu'il n'y a nulle ressemblance, nul rapport entre les objets et nos idées et nos sensations. Certes, il y avait quelque chose de sublime dans ce Malebranche qui osait prétendre que nous voyons tout dans Dieu même. Mais n'y avait-il rien de sublime dans les stoïciens qui pensaient que c'est Dieu qui agit en nous et que nous possédons un rayon de sa substance? Entre le rêve de Malebranche et le rêve des stoïciens, où est la réalité? Je retombe, la deuxième question, dans l'ignorance qui est l'apanage de ma nature. Et j'adore le Dieu par qui je pense, sans savoir comment je pense. Chapitre 22. Nouvelle question. Convaincu par mon peu de raison qu'il y a un être nécessaire, éternel, intelligent, de qui je reçois mes idées, sans pouvoir deviner ni le comment, ni le pourquoi, je demande ce que c'est que cet être, s'il a la forme des espèces intelligentes et agissantes supérieures à la mienne dans d'autres globes. J'ai déjà dit que je n'en savais rien, voire la question 1. Néanmoins, je ne puis affirmer que cela soit impossible, car j'aperçois des planètes très supérieures à la mienne en étendue, entourées de plus de satellites que la Terre. Il n'est point du tout contre la vraisemblance qu'elles soient peuplées d'intelligences très supérieures à moi et de corps plus robustes, plus agiles et plus durables. Mais leur existence n'ayant nul rapport à la mienne, je laisse aux poètes de l'Antiquité le soin de faire descendre Vénus de son prétendu troisième ciel et Mars du cinquième. Je ne dois rechercher que l'action de l'être nécessaire sur moi-même. Chapitre 23. Un seul artisan suprême. Une grande partie des hommes, voyant le mal physique et le mal moral répandu sur ce globe, imagina deux êtres puissants, dont l'un produisait tout le bien et l'autre tout le mal. S'ils existaient, ils seraient nécessaires. Ils seraient éternels, indépendants. Ils occuperaient tout l'espace. Ils existeraient donc dans le même lieu. Ils se pénétreraient donc l'un l'autre. Cela est absurde. L'idée de ces deux puissants ennemis ne peut tirer son origine que des exemples qui nous frappent sur la terre. Nous y voyons des hommes doux et des hommes féroces, des animaux utiles, des animaux nuisibles, de bons maîtres et des tyrans. On imagina ainsi deux pouvoirs contraires qui présidaient à la nature. Ce n'est qu'un roman asiatique. Il y a dans toute la nature une unité de dessein manifeste. Les lois du mouvement et de la pesanteur sont invariables. Il est impossible que deux artisans suprêmes, entièrement contraires l'un à l'autre, aient suivi les mêmes lois. Cela seul, à mon avis, renverse le système manichéen, et l'on n'a pas besoin de gros volumes pour le combattre. Il est donc une puissance unique, éternelle, à qui tout est lié, de qui tout dépend, mais dont la nature m'est incompréhensible. Saint Thomas nous dit que Dieu est un pur acte, une forme qui n'a ni genre ni prédicat, qu'il est la nature et le suppôt, qu'il existe essentiellement participativement et nuncupativement. Lorsque les dominicains furent les maîtres de l'Inquisition, ils auraient fait brûler un homme qui aurait nié ces belles choses. Je ne les aurais pas niées, mais je ne les aurais pas entendues. On me dit que Dieu est simple. J'avoue humblement que je n'entends pas la valeur de ce mot davantage. Il est vrai que je ne lui attribuerai pas des parties grossières que je puisse séparer, mais je ne puis concevoir que le principe et le maître de tout ce qui est dans l'étendue ne soit pas dans l'étendue. La simplicité, rigoureusement parlant, me paraît trop semblable au non-être. L'extrême faiblesse de mon intelligence n'a point d'instruments assez fins pour saisir cette simplicité. Le point mathématique est simple, me dira-t-on, mais le point mathématique n'existe pas réellement. On dit encore qu'une idée est simple. Je n'entends pas cela davantage. Je vois un cheval, j'en ai l'idée, mais je n'ai vu en lui qu'un assemblage de choses. Je vois une couleur, j'ai l'idée de couleur, mais cette couleur est étendue. Je prononce les noms abstraits de couleur en général, de vice, de vertu, de vérité en général. Mais c'est que j'ai eu connaissance de choses colorées, de choses qui m'ont paru vertueuses ou vicieuses, vraies ou fausses. J'exprime tout cela par un mot, mais je n'ai point de connaissance claire de la simplicité. Je ne sais pas plus ce que c'est que je ne sais ce qu'est un infini en nombre actuellement existant. Déjà convaincu que, ne connaissant pas ce que je suis, je ne puis connaître ce qu'est mon auteur. Mon ignorance m'accable à chaque instant, et je me console en réfléchissant sans cesse qu'il n'importe pas que je sache si mon maître est ou non dans l'étendue, pourvu que je ne fasse rien contre la conscience qu'il m'a donnée. De tous les systèmes que les hommes ont inventés sur la divinité, quel sera donc celui que j'embrasserai? Aucun, sinon celui de l'adorer. Chapitre 24. Spinoza. Après m'être plongé avec Thalès dans l'eau dont il faisait son premier principe, après m'être roussi auprès du feu d'Empédocle, après avoir couru dans le vide en ligne droite avec les atomes d'Épicure, supputé des nombres avec Pythagore, et avoir entendu sa musique, après avoir rendu mes devoirs aux androgynes de Platon, et ayant passé par toutes les régions de la métaphysique et de la folie, j'ai voulu enfin connaître le système de Spinoza. Il n'est pas absolument nouveau. Il est imité de quelques anciens philosophes grecs et même de quelques juifs, mais Spinoza a fait ce qu'aucun philosophe grec, encore moins aucun juif, n'a fait. Il a employé une méthode géométrique imposante pour se rendre un compte net de ses idées. Voyons s'il ne s'est pas égaré méthodiquement avec le fil qui le conduit. Il établit d'abord une vérité incontestable et lumineuse. Il y a quelque chose, donc il existe éternellement un être nécessaire. Ce principe est si vrai que le profond Samuel Clarke s'en est servi pour prouver l'existence de Dieu. Cet être doit se trouver partout où est l'existence, car qui le bornerait? Cet être nécessaire est donc tout ce qui existe. Il n'y a donc réellement qu'une seule substance dans l'univers. Cette substance n'en peut créer une autre, car puisqu'elle remplit tout, où mettre une substance nouvelle? Et comment créer quelque chose du néant? Comment créer l'étendue sans la placer dans l'étendue même, laquelle existe nécessairement? Il y a dans le monde la pensée et la matière. La substance nécessaire que nous appelons Dieu est donc la pensée et la matière. Toute pensée et toute matière est donc comprise dans l'immensité de Dieu. Il ne peut y avoir rien hors de lui. Il ne peut agir que dans lui, il comprend tout, il est tout. Ainsi, tout ce que nous appelons substance différente n'est en effet que l'universalité des différents attributs de l'être suprême, qui pense dans le cerveau des hommes, éclaire dans la lumière, se meut sur les vents, éclate dans le tonnerre, parcourt l'espace dans tous les astres et vit dans toute la nature. Il n'est point comme un vil roi de la terre, confiné dans son palais, séparé de ses sujets. Il est intimement uni à eux. Ils sont des parties nécessaires de lui-même. S'il en était distingué, il ne serait plus l'être nécessaire. Il ne serait plus universel. Il ne remplirait point tous les lieux. Il serait un être à part, comme un autre. Quoique toutes les modalités changeantes dans l'univers soient l'effet de ses attributs, cependant, selon Spinoza, il n'a point de partie. Car, dit-il, L'infini n'en a point de proprement dite. S'il en avait, on pourrait en ajouter d'autres, et alors il ne serait plus infini. Enfin, Spinoza prononce qu'il faut aimer ce Dieu nécessaire, infini, éternel. Et voici ses propres paroles. À l'égard de l'amour de Dieu, loin que cette idée le puisse affaiblir, j'estime qu'aucune autre n'est plus propre à l'augmenter, puisqu'elle me fait connaître que Dieu est intime de mon être, qu'il me donne l'existence et toutes mes propriétés, mais qu'il me les donne libéralement, sans reproche, sans intérêt, sans m'assujettir à autre chose qu'à ma propre nature. Elle bannit la crainte, l'inquiétude, la défiance et tous les défauts d'un amour vulgaire ou intéressé. Elle me fait sentir que c'est un bien que je ne puis perdre et que je possède d'autant moins que je le connais et que je l'aime. Fin de la citation. Ces idées séduisirent beaucoup de lecteurs. Et il y en eut même qui, ayant d'abord écrit contre lui, se rangèrent à son opinion. On reprocha au savant Bayle d'avoir attaqué durement Spinoza sans l'entendre. Durement, j'en conviens. Injustement, je ne le crois pas. Il serait étrange que Bayle ne l'eût pas entendu. Il découvrit aisément l'endroit faible de ce château enchanté. Il vit qu'en effet, Spinoza compose son Dieu de parties, quoiqu'il soit réduit à s'en dédire, effrayé de son propre système. Bayle vit combien il était insensé de faire du astre et citrouille, pensée et fumier, battant et battu. Il vit que cette fable est forte dessous de celle de Protée. Peut-être Bayle devait-il s'en tenir au mot de modalité et non pas de partie, puisque c'est ce mot de modalité que Spinoza emploie toujours. Mais il est également impertinent, si je ne me trompe, que l'excrément d'un animal soit une modalité ou une partie de l'être suprême. Il ne combattit point, il est vrai, les raisons par lesquelles Spinoza soutient l'impossibilité de la création. Mais c'est que la création proprement dite est un objet de foi et non pas de philosophie. C'est que cette opinion n'est nullement particulière à Spinoza. C'est que toute l'Antiquité avait pensé comme lui. Il n'attaque que l'idée absurde d'un Dieu simple composé de parties, d'un Dieu qui se mange et qui se digère lui-même, qui aime et qui hait la même chose en même temps, etc. Spinoza se sert toujours du mot Dieu. Ben, il le prend par ses propres paroles. Mais au fond, Spinoza ne reconnaît point de Dieu. Il a probablement employé cette expression « Il n'a dit qu'il faut servir et aimer Dieu que pour ne point effaroucher le genre humain. » Il paraît athée dans toute sa force ce terme. Il n'est point athée, comme Épicure, qui reconnaissait des dieux inutiles et oisifs. Il ne l'est point comme la plupart des Grecs et des Romains, qui se moquaient des dieux du vulgaire. Il ne l'est pas parce qu'il ne reconnaît nulle providence, parce qu'il n'admet que l'éternité, l'immensité et la nécessité des choses. Il est comme Straton, comme Diagoras. Il ne doute pas comme Pyrrhon. Il affirme, et qu'affirme-t-il? Qu'il n'y a qu'une seule substance, qu'il ne peut y en avoir deux, que cette substance est étendue et pensante. Et c'est ce qu'on n'ont jamais dit les philosophes grecs et asiatiques qui ont admis une âme universelle. Il ne parle en aucun endroit de son livre des desseins marqués qui se manifestent dans tous les êtres. Il n'examine point si les yeux sont faits pour voir, les oreilles pour entendre, les pieds pour marcher, les ailes pour voler. Il ne considère ni les lois du mouvement dans les animaux et dans les plantes, ni leur structure adaptée à ces lois, ni la profonde mathématique qui gouverne le cours des astres. Il craint d'apercevoir que tout ce qui existe atteste une providence divine. Il ne remonte point des effets à leur cause, mais se mettant tout d'un coup à la tête de l'origine des choses, il bâtit son roman comme Descartes a construit le sien, sur une supposition. Il supposait le plein avec Descartes, quoiqu'il soit démontré en rigueur que tout mouvement est impossible dans le plein. C'est là principalement ce qui lui fit regarder l'univers comme une seule substance. Il a été la dupe de son esprit géométrique. Comment Spinoza, ne pouvant douter que l'intelligence et la matière existent, n'a-t-il pas examiné au moins si la providence n'a pas tout arrangé? Comment n'a-t-il pas jeté un coup d'œil sur ses ressorts, sur ses moyens dont chacun a son but, et recherché s'il prouve un artisan suprême? Il fallait qu'il fût ou un physicien bien ignorant, ou un sophiste gonflé d'un orgueil bien stupide, pour ne pas reconnaître une providence toutes les fois qu'il respirait et qu'il sentait son cœur battre. Car cette respiration et ce mouvement du cœur sont des effets d'une machine si industrieusement compliquée, arrangée avec un art si puissant, dépendante de tant de ressorts, concourant tous au même but, qu'il est impossible de l'imiter et impossible à un homme de bon sens de ne pas l'admirer. Les spinozistes modernes répondent « Ne vous effarouchez pas des conséquences que vous nous imputez. Nous trouvons, comme vous, une suite d'effets admirables dans les corps organisés et dans toute la nature. La cause éternelle est dans l'intelligence éternelle que nous admettons et qui, avec la matière, constitue l'universalité des choses qui est Dieu. Il n'y a qu'une seule substance qui agit par la même modalité de sa pensée sur sa modalité de la matière et qui constitue ainsi l'univers qui ne fait qu'un tout inséparable. » On réplique à cette réponse. Comment pouvez-vous nous prouver que la pensée qui fait mouvoir les astres, qui anime l'homme, qui fait tout, soit une modalité et que les déjections d'un crapaud et d'un ver soient une autre modalité de ce même être souverain? Oseriez-vous dire qu'un si étrange principe vous est démontré? Ne couvrez-vous pas votre ignorance par des mots que vous n'entendez point? Bayle a très bien démêlé les sophismes de votre maître dans les détours et dans les obscurités du style prétendu géométrique, et réellement très confus, de ce maître. Je vous renvoie à lui. Des philosophes ne doivent pas récuser Bayle. Quoi qu'il en soit, je remarquerai de Spinoza qu'il se trompait de très bonne foi. Il me semble qu'il écartait de son système les idées qui pouvaient lui nuire que parce qu'il était trop plein des siennes. Il suivait sa route sans regarder rien de ce qui pouvait la traverser. Et c'est ce qui nous arrive trop souvent. Il y a plus. Il renversait tous les principes de la morale, en étant lui-même d'une vertu rigide, sobre jusqu'à ne boire qu'une pinte de vin en un mois, désintéressé jusqu'à remettre aux héritiers de l'infortuné Jean de Witt une pension de 200 florins que lui faisait ce grand homme. Généreux jusqu'à donner son bien, toujours patient dans ses maux et dans sa pauvreté, toujours uniforme dans sa conduite. Bayle, qu'il a si maltraité, avait à peu près le même caractère. L'un et l'autre ont cherché la vérité toute leur vie par des routes différentes. Spinoza fait un système spécieux en quelques points, et bien erroné dans le fond. Bayle a combattu tous les systèmes. Qu'est-il arrivé des écrits de l'un et de l'autre? Ils ont occupé l'oisiveté de quelques lecteurs. C'est à quoi tous les écrits se réduisent. Et depuis Thalès, jusqu'aux professeurs de nos universités, et jusqu'aux plus chimériques raisonneurs, et jusqu'à leurs plagiaires, aucun philosophe n'a influé seulement sur les mœurs de la rue où il demeurait. Pourquoi? Parce que les hommes se conduisent par la coutume et non par la métaphysique. Un seul homme éloquent, habile et accrédité pourra beaucoup sur les hommes. Sans philosophes n'y pourront rien s'ils ne sont que philosophes. Chapitre 25. Absurdité. Voilà bien des voyages dans des terres inconnues. Ce n'est rien encore. Je me trouve comme un homme qui, ayant erré sur l'océan et apercevant les îles Maldives, dont la mer indienne est semée, veut les visiter toutes. Mon grand voyage ne m'a rien valu. Voyons si je ferai quelques gains dans l'observation de ces petites îles qui ne semblent servir qu'à embarrasser la route. Il y a une centaine de cours de philosophie où l'on m'explique des choses dont personne ne peut avoir la moindre notion. Celui-ci veut me faire comprendre la Trinité par la physique. Il me dit qu'elle ressemble aux trois dimensions de la matière. Je le laisse dire et je passe vite. Celui-là prétend me faire toucher au doigt la transsubstantation et en me montrant par les lois du mouvement comme un accident peut exister sans sujet et comment un même corps peut être en deux endroits à la fois. Je me bouche les oreilles et je passe plus vite encore. Pascal, Blaise Pascal lui-même, l'auteur des lettres provinciales, profère ces paroles. Croyez-vous qu'il soit impossible que Dieu soit infini et sans partie? Je veux donc vous faire voir une chose indivisible et infinie, C'est un point, se mouvant partout d'une vitesse infinie, car il est en tout lieu, tout entier, dans chaque endroit. Un point mathématique qui se meut ? Juste ciel ! Un point qui n'existe que dans la tête du géomètre, qui est partout et en même temps, et qui a une vitesse infinie, comme si la vitesse infinie actuelle pouvait exister. Chaque mot est une folie, et c'est un grand homme qui a dit des folies. Votre âme est simple, incorporelle, intangible, me dit cet autre. Et comme aucun corps ne peut la toucher, je vais vous prouver que la physique d'Albert le Grand, qu'elle sera brûlée physiquement si vous n'êtes pas de mon avis. Et voici comment je vous le prouve a priori, en fortifiant Albert par les syllogismes d'Abelli. Je lui réponds que je n'entends pas son a priori, que je trouve son compliment très dur, que la révélation dont il ne s'agit pas entre nous peut seule m'apprendre une chose si incompréhensible, que je lui permets de n'être pas de mon avis sans lui faire aucune menace. Et je m'éloigne de lui de peur qu'il ne me joue un mauvais tour, car cet homme me paraît bien méchant. Une foule de sophistes de tout pays et de toute secte m'accable d'arguments inintelligibles sur la nature des choses, sur la mienne, sur mon état passé, présent et futur. Si on leur parle de manger et de boire, de vêtements, de logements, de denrées nécessaires, de l'argent avec lequel on se les procure, tous s'entendent à merveille. S'il y a quelques pistoles à gagner, chacun d'eux s'empresse. Personne ne se trompe d'un denier. Et quand il s'agit de tout notre être, ils n'ont pas une idée nette. Le sens commun les abandonne. De là, je reviens à ma première conclusion, question 4, que ce qui ne peut être d'un usage universel, ce qui n'est pas à la portée du commun des hommes, ce qui n'est pas entendu par ceux qui ont le plus exercé leur faculté de penser, n'est pas nécessaire au genre humain. Chapitre 26. Du meilleur des mondes. En courant de tous côtés pour m'instruire, je rencontrai des disciples de Platon. « Venez avec nous, me dit l'un d'eux, vous êtes dans le meilleur des mondes. » Nous avons bien surpassé notre maître. Il n'y avait de son temps que 5 mondes possibles, parce qu'il n'y a que 5 corps réguliers. Mais actuellement, qu'il y a une infinité d'univers possibles, Dieu a choisi le meilleur. Venez, et vous en trouverez bien. Je lui répondis humblement, les mondes que Dieu pouvait créer étaient ou meilleurs ou parfaitement égaux ou pires. Il ne pouvait prendre le pire. Ceux qui étaient les mêmes, suppose qu'il y en eût, ne valaient pas la préférence. Ils étaient entièrement les mêmes. On a pu choisir entre eux. Prendre l'un, c'est prendre l'autre. Il est donc impossible qu'il ne prît que le meilleur. Mais comment les autres étaient-ils possibles quand il était impossible qu'ils existassent? Il me fit de très belles distinctions, assurant toujours, sans s'entendre, que ce monde-ci, le meilleur de tous les mondes, réellement impossible. Mais me sentant alors tourmenté de la pierre et souffrant des douleurs insupportables, les citoyens du meilleur des mondes me conduisirent à l'hôpital voisin. Chemin faisant, deux de ces bienheureux habitants furent enlevés par des créatures, leurs semblables. On les chargea de fer, l'un pour quelques dettes, l'autre sur un simple soupçon. Je ne sais pas si je fus conduit dans le meilleur des hôpitaux possibles, mais je fus entassé avec 2 ou 3 000 misérables qui souffraient comme moi. Il y avait là plusieurs défenseurs de la patrie qui m'apprirent qu'ils avaient été trépassés et disséqués vivants, qu'on leur avait coupé des bras, des jambes, et que plusieurs milliers de leurs généreux compatriotes avaient été massacrés dans l'une des 30 batailles données dans la dernière guerre, qui est environ la 100 000e guerre depuis que nous connaissons des guerres. On voyait aussi dans cette maison environ 1000 personnes des deux sexes qui ressemblaient à des spectres hideux et qu'on frottait d'un certain métal parce qu'ils avaient suivi la loi de la nature et parce que la nature avait, je ne sais comment, pris la précaution d'empoisonner en eux la source de la vie. Je remerciai mes deux conducteurs. Quand on m'eut plongé un fer bien tranchant dans la vessie, et qu'on eût tiré quelques pierres de cette carrière, quand je fus guéri, et qu'il ne me resta plus que quelques incommodités douloureuses pour le reste de mes jours. Je fis mes représentations à mes guides. Je pris la liberté de leur dire qu'il y avait du bon dans ce monde, puisqu'on m'avait tiré 4 cailloux du sein de mes entrailles déchirées, mais que j'aurais encore mieux aimé que les vessies eussent été des lanternes, que non pas qu'elles fussent des carrières. Je leur parlais des calamités et des crimes innombrables qui couvrent cet excellent monde. Le plus intrépide d'entre eux, qui était un Allemand, mon compatriote, m'apprit que tout cela n'est qu'une bagatelle. Ce fut, dit-il, une grande faveur du ciel envers le genre humain, que Tarquin viola Lucrèce et que Lucrèce se poignarda, parce qu'on chassa les tyrans et que le viol, le suicide et la guerre établirent une république qui fit le bonheur des peuples. J'eus peine à convenir de ce bonheur. Je ne conçus pas d'abord quelle était la félicité des Gaulois et des Espagnols, dont on dit que César fit périr 3 millions. Les dévastations et les rapines me parurent aussi quelque chose de désagréable, mais le défenseur de l'optimisme n'en démordit point. Il me disait toujours, comme le geôlier de Don Carlos, « Paix, paix, c'est pour votre bien. » Enfin, étant poussé à bout, il me dit qu'il ne fallait pas prendre garde à ce globule de la terre, où tout va de travers, mais que dans l'étoile de Sirius, dans Orion, dans l'œil du taureau, et ailleurs, tout est parfait. « Allons-y donc, lui dis-je. » Un petit théologien me tira alors par le bras. Il me confia que ces gens-là étaient des rêveurs, qu'il n'était point du tout nécessaire qu'il y eût du mal sur la terre, qu'elle avait été formée exprès pour ce qu'il n'y eût jamais que du bien, et pour le vous le prouver, sachez, me dit-il, que les choses se passèrent ainsi autrefois pendant 10 ou 12 jours. Hélas, lui répondis-je, c'est bien dommage, mon révérend père, que cela n'ait pas continué. Chapitre 27. Des monades, etc. Le même Allemand se ressaisit alors de moi. Il m'endoctrina, m'apprit clairement ce que c'est que mon âme. Tout est composé de monades dans la nature. Votre âme est une monade. Et comme elle a des rapports avec toutes les autres monades du monde, elle a nécessairement des idées de tout ce qui s'y passe. Ces idées sont confuses, ce qui est très utile. Et votre monade, ainsi que la mienne, est un miroir concentré de cet univers. Mais ne croyez pas que vous agissiez en conséquence de vos pensées. Il y a une harmonie préétablie entre la monade de votre âme et toutes les monades de votre corps, de façon que, quand votre âme a une idée, votre corps a une action, sans que l'une soit la suite de l'autre. Ce sont deux pendules qui vont ensemble, ou si vous voulez, cela ressemble à un homme qui prêche tandis qu'un autre fait les gestes. Vous concevez aisément qu'il faut que cela soit ainsi dans le meilleur des mondes, car, point de suspension. Chapitre 28. Des formes plastiques. Comme je ne comprenais rien du tout à ces admirables idées, un Anglais nommé Cudworth s'aperçut de mon ignorance à mes yeux fixes, à mon embarras, à ma tête baissée. « Ces idées, me dit-il, vous semblent profondes parce qu'elles sont creuses. Je vais vous apprendre nettement comment la nature agit. Premièrement, il y a la nature en général. Ensuite, il y a des natures plastiques qui forment tous les animaux et toutes les plantes. Vous entendez bien ?»« Pas un mot, monsieur. » »« Continuons donc. Une nature plastique n'est pas une faculté du corps. C'est une substance immatérielle qui agit sans savoir ce qu'elle sait, qui est entièrement aveugle, qui ne sent, ni ne raisonne, ni ne végète. Mais la tulipe a sa forme plastique qui la fait végéter. Le chien a sa forme plastique qui le fait aller à la chasse. Et l'homme a la sienne qui le fait raisonner. Ces formes sont les agents immédiats de la divinité. Il n'y a point de ministre plus fidèle au monde, car elles donnent tout et ne retiennent rien pour elles. Vous voyez bien que ce sont là des vrais principes, les vrais principes des choses, et que les natures plastiques valent bien l'harmonie préétablie et les monades, qui sont des miroirs concentrés de l'univers. Je lui avouai que l'un valait bien l'autre. De Locke. Après tant de courses malheureuses, fatiguées, harassées, honteux d'avoir cherché tant de vérités et d'avoir trouvé tant de chimères, je suis revenu à Locke, comme l'enfant prodigue qui retourne chez son père. Je me suis rejeté entre les bras d'un homme modeste, qui ne feint jamais de savoir ce qu'il ne sait pas, qui, à la vérité, ne possède pas des richesses immenses, mais dont les fonds sont bien assurés, et qui jouit du bien le plus solide sans aucune ostentation. Il me confirme dans l'opinion que j'ai toujours eue que rien n'entre dans notre entendement que par nos sens, qu'il n'y a point de notions innées, que nous ne pouvons avoir l'idée ni d'un espace infini, ni d'un nombre infini, que je ne pense pas toujours et que par conséquent la pensée n'est pas l'essence, mais l'action de mon entendement, que je suis libre quand je peux faire ce que je veux, que cette liberté ne peut consister dans ma volonté, puisque lorsque je demeure volontairement dans ma chambre, dont la porte est fermée et dont je n'ai pas la clé, je n'ai pas la liberté d'en sortir, puisque je souffre quand je ne veux pas souffrir, puisque très souvent je ne peux rappeler mes idées quand je les veux rappeler. Qu'il est donc absurde au fond de dire la volonté est libre, puisqu'il est absurde de dire je veux vouloir cette chose, car c'est précisément comme si on disait je désire de la désirer, je crains de la craindre, et qu'enfin la volonté n'est pas plus libre qu'elle n'est bleue ou carrée. Voir la question 13. Que je ne puis vouloir qu'en conséquence des idées reçues dans mon cerveau, que je suis nécessité à me déterminer en conséquence de ces idées, puisque sans cela, je me déterminerais sans raison et qu'il y aurait un effet sans cause. Que je ne puis avoir une idée positive de l'infini, puisque je suis très fini. Que je ne puis connaître aucune substance, parce que je ne puis avoir d'idée que de leur qualité, et que mille qualités d'une chose ne peuvent me faire connaître la nature intime de cette chose, qui peut avoir 100 000 autres qualités ignorées. Que je ne suis la même personne qu'autant que j'ai de la mémoire, et le sentiment de ma mémoire. Car n'ayant pas la moindre partie du corps qui m'appartenait dans mon enfance, et n'ayant pas le moindre souvenir des idées qui m'ont affecté à cet âge, il est clair que je ne suis pas plus ce même enfant que je ne suis Confucius ou Zoroastre. Je suis réputé la même personne par ceux qui m'ont vu croître et qui ont toujours demeuré avec moi, mais je n'ai en aucune façon la même existence. Je ne suis plus l'ancien moi-même, je suis une nouvelle identité, et de là quelques singulières conséquences. Qu'enfin, conformément à la profonde ignorance dont je me suis convaincu sur les principes des choses, il est impossible que je puisse connaître quelles sont les substances auxquelles Dieu daigne accorder le don de sentir et de penser. En effet, y a-t-il des substances dont l'essence soit de penser, qui pensent toujours et qui pensent par elles-mêmes? En ce cas, ces substances, quelles qu'elles soient, sont des dieux, car elles n'ont nul besoin de l'être éternel et formateur, puisqu'elles ont leur essence sans lui, puisqu'elles pensent sans lui. Secondement, si l'être éternel a fait le don de sentir et de penser à des êtres, il leur a donné ce qui ne leur appartenait pas essentiellement. Il a donc pu donner cette faculté à tout être, quel qu'il soit. Troisièmement, nous ne connaissons aucun être à fond, donc il est impossible que nous sachions si un être est capable ou incapable de recevoir le sentiment et la pensée. Les mots de matière et d'esprit ne sont que des mots. Nous n'avons nulle notion complète de ces deux choses. Donc au fond, il y a autant de témérité à dire qu'un corps organisé par Dieu même ne peut recevoir la pensée de Dieu, même qu'il serait ridicule de dire que l'esprit ne peut penser. Quatrièmement, je suppose qu'il y ait des substances purement spirituelles qui n'aient jamais eu l'idée de la matière et du mouvement. Seront-elles bien reçues à nier que la matière et le mouvement puissent exister ? Je suppose que la savante congrégation qui condamna Galilée comme impie, comme absurde, pour avoir démontré le mouvement de la Terre autour du Soleil, eut eu quelques connaissances des idées du chancelier Bacon qui proposait d'examiner si l'attraction est donnée à la matière. Je suppose que le rapporteur de ce tribunal eut remontré à ces graves personnages qu'il y avait des gens assez fous en Angleterre pour soupçonner que Dieu pouvait donner à toute la matière, depuis Saturne jusqu'à notre petit à debout, une tendance vers un centre, une attraction, une gravitation, laquelle serait absolument indépendante de toute impulsion, puisque l'impulsion donnée par un fluide en mouvement agit en raison des surfaces, et que cette gravitation agit en raison des solides. Ne voyez-vous pas ces juges de la raison humaine et de Dieu même dicter aussitôt leurs arrêts, mathématiser cette gravitation que Newton a démontrée depuis, prononcer que cela est impossible à Dieu, et déclarer que la gravitation vers un centre est un blasphème? Je suis coupable, ce me semble, de la même témérité quand j'ose assurer que Dieu ne peut faire sentir et penser un être organisé quelconque. Cinquièmement, je ne puis douter que Dieu n'ait accordé des sensations, de la mémoire et par conséquent des idées à la matière organisée dans les animaux. Pourquoi donc nierais-je qu'il puisse faire le même présent à d'autres animaux? On l'a déjà dit. La difficulté consiste moins à savoir si la matière organisée peut penser qu'à savoir comment un être, quel qu'il soit, pense. La pensée a quelque chose de divin, oui, sans doute. Et c'est pour cela que je ne saurai jamais ce que c'est que l'être pensant. Le principe du mouvement est divin. Je ne saurai jamais la cause de ce mouvement dont tous mes membres exécutent les lois. L'enfant d'Aristote, étant en nourrice, a tiré dans sa bouche le téton qu'il suçait en formant précisément avec sa langue, qu'il retirait, une machine pneumatique, en pompant l'air, en formant du vide, tandis que son père ne savait rien de tout cela et disait au hasard que la nature abhorre le vide. L'enfant d'Hippocrate, à l'âge de 4 ans, prouvait que la circulation du sang en passant son doigt sur sa main, et Hippocrate ne savait pas que le sang circula. Nous sommes ses enfants, tous, tant que nous sommes. Nous opérons des choses admirables, et aucun des philosophes ne sait comment elles s'opèrent. Sixièmement, voilà les raisons, ou plutôt les doutes, que me fournit ma faculté intellectuelle sur l'assertion modeste de Locke. Je ne dis point, encore une fois, que c'est la matière qui pense en nous. Je dis avec lui qu'il ne nous appartient pas de prononcer qu'il soit impossible à Dieu de faire penser la matière, qu'il est absurde de le prononcer, et que ce n'est pas à des vers de terre à borner la puissance de l'être suprême. Septièmement, j'ajoute que cette question est absolument étrangère à la morale, parce que, soit que la matière puisse penser ou non, quiconque pense doit être juste, parce que l'atome à qui Dieu aura donné la pensée peut mériter ou démériter, être puni ou récompensé, et durer éternellement, aussi bien que l'être inconnu appelé autrefois souffle, et aujourd'hui esprit, dont nous avons encore moins de notions que d'un atome. Je sais bien que ceux qui ont cru que l'être nommé souffle pouvait seul être susceptible de sentir et de penser ont persécuté ceux qui ont pris le parti du sage Locke et qui n'ont pas osé borner la puissance de Dieu à n'animer que ce souffle. Mais quand l'univers entier croyait que l'âme était un corps léger, un souffle, une substance de feu, aurait-on bien fait de persécuter ceux qui sont venus nous apprendre que l'âme est immatérielle? Tous les pères de l'Église qui ont cru l'âme un corps délié auraient-ils eu raison de persécuter les autres pères qui ont apporté aux hommes l'idée de l'immatérialité parfaite? Non, sans doute, car le persécuteur est abominable. Donc ceux qui en admettent l'immatérialité parfaite sans la comprendre ont dû tolérer ceux qui la rejetaient parce qu'ils ne la comprenaient pas. Ceux qui ont refusé à Dieu le pouvoir d'animer l'être inconnu appelé matière ont dû tolérer aussi ceux qui n'ont pas osé dépouiller Dieu de ce pouvoir, car il est bien malhonnête de se haïr pour des syllogismes. Chapitre 30. Qu'ai-je appris à présent? J'ai donc compté avec Locke et avec moi-même, et je me suis trouvé possesseur de 4 ou 5 vérités, dégagées d'une centaine d'erreurs et chargées d'une immense quantité de doutes. Je me suis dit ensuite à moi-même, ce peu de vérité que j'ai acquise par ma raison sera entre mes mains un bien stérile si je n'ai pu trouver quelques principes de morale. Il est beau, un aussi chétif animal que l'homme, de s'être élevé à la connaissance du maître, de la nature, mais cela ne me servira pas plus que la science de l'algèbre si je n'en tire quelques règles pour la conduite de ma vie. Fin de la première partie.